Fogg, ne voyant pas revenir Passepartout, se rend chez l'embarcadère. Il y apprend que le Carnatic est déjà parti. Il rencontre alors le pilote d'une goélette, la Tankadère, qui pourra l'amener à Shanghai, où le paquebot pour San Francisco fait escale. Mais, peu avant d'arriver à Shanghai, suite à une tempête, les passagers de la goélette se recueillent sur le Carnatic, où finalement Passepartout avait eu le temps de s'embarquer et de ruminer sa vengeance contre Fix. Arrivé à Yokohama, Passepartout, faute d'argent, se fait embaucher par une troupe d'acrobates japonais en partance pour San Francisco, sur le Général Grant, où il retrouve son maître et Missy Sauda.